Gauche. Let's go. Chaco la mélo. Capitaine. J'ai fait le tour de la ville, t'as rien à me dire, quand c'est ma zombie. Le patron fait la bise, c'est plus la haine, c'est fini Johnny. Ce week-end j'fais du jeep, milliers de rangs, quand toi j'suis rentré. Si t'es pas prêt pour ça, vie d'un local, t'en reste en retrait. Moula, moula, j'ai ça, j'aime toi, pas de grand geste. Mauvais garçon, elle aime ça, c'est un grand S que vire là. Moula, moula, j'ai ça, j'aime toi, pas de grand geste. Mauvais garçon, elle aime ça, c'est un grand S que vire là. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Je veux pas reprendre ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Je veux pas reprendre ce que tu m'as donné. Oh baby, maman. Oh baby, maman. Non, de la scène. On s'est dit ça pour plus connaître la gêne. Non, non, non, non. Oh baby, maman. Oh baby, maman. Je te la dis. Non, de la scène. On s'est dit ça pour plus connaître la gêne. Ma chérie, t'es mon biberon. Et moi je suis ton bébé, bébé, bébé. Ma chérie t'es mon biberon, biberon, biberon. Et moi je suis ton bébé, bébé. Capitaine ici, c'est entassé dans des HLM qu'on a grandi. Un mannequin les yeux bordés de mon grandi. Elle va se calmer avec du jour, bien chez Gucci. T'es mon biberon, biberon, biberon. J'ai vaut mieux couper les ponts. Chez nous c'est Los Angeles, impossible que ces femmes menacent. Quand ça fait recongolaire, j'en ai peine, fais la cam, j'me casse. Dès qu'on joue sur le ratette, toujours été prêt, j'espère être là demain. Tout ce que j'avais dans la tête, c'était faire la fête, je voulais pas te faire du mal. Mais j'ai dû quitter la tête, une nouvelle adresse, côté Los Angeles. Il faut du bif encore, baby, il faut que je te laisse. Shopping au volant du golf, Valentin de la part de Nike, J'ai dû gérer toutes nos affaires, j'ai dû respecter qui ça va le faire. Au volant du golf, dans la boîte à gants le Nine, Valentin de la part de Nike, J'ai dû respecter qui ça va le faire. Yeah, yeah, yeah. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Je veux pas reprendre ce que tu m'as donné. Ce que tu m'as donné. Si c'est pas fini, faut pas déranger. Faut pas déranger. Je veux pas reprendre ce que tu m'as donné. Oh baby maman. Oh baby maman. J'ai de la street. J'ai de la street. On fait du sale pour plus connaître la zermie. Non, non, non, non. Oh baby maman. Oh baby maman. J'ai de la street. J'ai de la street. On fait du sale pour plus connaître la zermie. Ma chérie t'es mon biberon, biberon. Et moi je suis ton bébé, bébé, bébé. Ma chérie t'es mon biberon, biberon, biberon. Et moi je suis ton bébé.